franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la mystérieuse disparition de Philippe de Dieuleveux. Le 6 août 1985, ce journaliste rendu célèbre par le jeu télévisé La Chasse au Trésor disparaît avec 6 autres personnes lors d'une aventure sur les rives du fleuve Zaïre. Pendant plusieurs semaines, la France se tourne vers ce pays qui s'appelle alors le Zaïre justement pour suivre au jour le jour la recherche des naufragés. Les investigations infructueuses concluent à une noyade dans les rapides du fleuve. Fermez le rideau. Oui, sauf que, d'emblée, des témoignages troubles, des éléments incohérents et un contexte politique délicat laissent apparaître de nombreuses zones d'ombre. On évoque une possible bavure de l'armée zaïroise, voire une exécution pour expliquer la disparition de Philippe de Dieuleveux et de ses 6 amis. C'est que cette affaire nous plonge au cœur d'un pays alors dirigé par le maréchal et surtout dictateur Mobutu qui règne sur ce pays depuis 20 ans. Le Zaïre, redevenu Congo et son régime, nous y reviendrons en seconde partie d'émission avec Colette Breckmann, journaliste spécialiste de l'Afrique centrale et auteur d'un ouvrage de référence sur le sujet intitulé « Le dinosaure, le Zaïre de Mobutu ». Elle publie aujourd'hui un nouveau livre intitulé « Congo, Kinshasa, aller-retour ». Aux éditions Nevikata, il nous attend à Bruxelles, dans les studios de la RTBF, radio-télé belge francophone, que nous remercions pour son accueil. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Lucille Valérie, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Patrick Henry. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Moi, je suis né un jour sur une planète qui s'appelle la planète Terre. Je vais mourir un autre jour, donc il y a un grand vide. Là, j'en ai comblé 33 ans. Il reste encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou 2 ans, ou 2 jours, je sais pas. C'est encore un vide, ça s'appelle l'avenir, mais c'est un vide. Alors, j'ai envie de faire un maximum de choses pour combler. Et donc, c'est pour ça que je vis à 100 à l'heure. Je pars du principe, moi, que pour tenir, mais je prends l'exemple des gens qui font du kayak. Bon. Bah, pour tenir sur une rivière, il faut aller plus vite que le courant, sinon on tombe. Eh bien, moi, c'est un peu pareil. J'ai envie d'aller plus vite que la vie pour pouvoir tenir. Et pour tenir, il faut que j'aille très très vite. L'aventure, voilà ce qui fait courir Philippe de Dieuleveux. Pourtant, en cette fin d'année 84, c'est un tout nouvel exercice qu'il s'adonne, celui de la promotion. L'homme de 33 ans parcourt les plateaux de télé et les émissions de radio pour promouvoir son livre intitulé « J'ai du ciel bleu sur mon passeport », autobiographie en forme d'invitation au voyage. Le livre, sorti depuis quelques semaines, caracole en tête des ventes. C'est que celui qu'on surnomme le Tintin de la télévision française s'est fait une place de choix dans le cœur des Français. Pendant 4 ans, de 1981 à 1985, il est l'animateur vedette de La Chasse au Trésor, un jeu télévisé qui réunit chaque dimanche plusieurs millions de téléspectateurs et qui mêle exploits, découvertes et exotisme. Créée par le producteur Jacques-Antoine, l'émission d'Antenne 2, présentée par Philippe Gildas, propose à deux candidats de résoudre une énigme dans un pays du monde à l'aide d'un homme de terrain, et cet homme, c'est Philippe de Dieuleveux. À bord de son hélicoptère, vêtu de sa célèbre combinaison rouge, Dieuleveux emmène les Français avec lui de la Havane à Sydney en passant par le Groenland et déploie toute une panoplie de l'aventurier moderne. Saut en parachute, plongée, descente en rappel, au cours d'une succession d'épreuves pour trouver le fameux trésor. L'enthousiasme, le naturel et les exploits du journaliste baroudeur marquent les esprits de toute une génération. Mais en 1984, Philippe de Dieuleveux dit stop. Il a d'autres envies de cinéma, de reportage et surtout d'aventure, la vraie. Pas celle en dentelle, comme il le dit, de La Chasse au Trésor, non. Les lecteurs de son livre découvrent un autre Philippe de Dieuleveux en cette fin d'année 84. Un reporter, cinéaste, comme il aime à se définir. Lui qui a 23 ans, parcourait avec 3 amis le Sahara en 2 chevaux, avec pour cela une boussole et une carte. Lui qui a 33 ans, donc 10 ans plus tard, a déjà posé les pieds dans plus de 100 pays à travers le monde. Un reporter qui a travaillé pour Médecins Sans Frontières, notamment au cours d'une mission pendant le génocide cambodgien, un passionné d'aventure, de journalisme et d'image. Or, au début de l'année 85, alors qu'il vient tout juste de quitter le jeu qui l'a rendu célèbre, voilà qu'un ami, André Hérault, lui propose une nouvelle aventure, une vraie, loin du confort des productions télévisées. Elle débute au Burundi au début du mois de juin 1985 et réunit toutes les passions de Philippe Dieuleveux, comme il l'explique d'ailleurs lui-même, devant les caméras d'Antenne 2. Je connais relativement bien l'Afrique, mais je ne connaissais pas du tout la région des Grands Lacs et je dois avouer que venir au Burundi, c'était pour moi un rêve. J'y suis, je suis sur le lac Tanganyika, je suis heureux et je vais partir donc avec toute l'équipe. Et nous allons donc tenter de sortir un document de 52 minutes, mais les conditions de tournage vont être difficiles, vous en doutez, mais avec l'humidité. Ce que je vais faire découvrir, c'est par contre notre vraie aventure, l'aventure que nous allons vivre. La réaction des gens qui vont être sur les bateaux, confrontés aux problèmes donc de santé, de manger, de dormir, ça ne va pas être drôle tous les jours, on le sait, mais on est là aussi pour se tester personnellement pour savoir comment on est capable de réagir et je vais peut-être essayer de m'intéresser un peu plus justement aux réactions humaines, c'est ce qui m'intéresse dans ce film. Aéroport international de Bujumbura, Burundi, début juin 85. 12 hommes, 12 copains débarquent les bras chargés de matériel, un rêve un peu fou en tête, traverser l'Afrique d'est en ouest par le fleuve Zaïre, du lac Tanganyika jusqu'à l'océan Atlantique. L'aventure est l'exploit pour le plaisir de la découverte et du frisson. Au moment de passer la douane, les policiers burundais ne cachent pas leur surprise quand ils découvrent les postes émetteurs de type militaire, les caisses de médicaments, les curieuses embarcations vert kaki et les carabines de nos 12 aventuriers. André Hérault, le chef de l'expédition, s'avance vers les autorités et les rassure. À l'aide des papiers officiels et des autorisations, il explique le projet Africa Raft, sur lequel il travaille depuis un an et en grande partie financé par l'hebdomadaire Paris Match. Le groupe est composé de personnalités de profil et de nationalités divers. Outre Philippe de Dieuleveux et son meilleur ami, le médecin François Laurenceau, l'équipée compte Gérard de Beauville, le vainqueur de l'Atlantique à la rame, qui a supervisé la construction des deux rafts à moteur, baptisés le Françoise et le Godlive, qui transporteront nos aventuriers au cours de leur périple. Après un mois d'attente et de préparation, le 4 juillet 1985, c'est le grand départ. Si les douaniers ont confisqué les armes, ils ont autorisé le reste du matériel. Le début du voyage d'ailleurs est plutôt calme, les deux rafts traversent tranquillement le lac Tanganyika pour arriver sur le fleuve Zaïre dans le pays du même nom. D'emblée, l'un des plus grands fleuves du monde, dont la taille équivaut à la distance entre Paris et Moscou, montre sa puissance. Au niveau de Kongolo, l'expédition réussit à vaincre les célèbres portes de l'enfer, un exploit inédit vu la force des rapides et des tourbillons. Nous sommes à la mi-juillet et l'équipe fait une halte à Kisangani, au centre du pays. Là, certains membres rentrent à Paris, dont Philippe de Dieuleveux qui en profite pour faire un point sur l'aventure. Je suis actuellement en pleine expédition au Zaïre, je repars dans 2 jours. Nous avons commencé à descendre le fleuve Zaïre, actuellement l'équipe se trouve à 5 jours de Kinshasa, je vais les retrouver à Kinshasa, et on va atteindre l'océan Atlantique par une région où il restera 550 km, mais avec des rapides très très importants. Et paraît-il, nous serions les premiers à avoir passé les portes de l'enfer, qui sont un site connu dans la région de Kongolo, au Zaïre. Les bateaux que nous avons tiennent très très bien le courant, et ça s'est bien passé. Mais après, l'équipe a connu des difficultés sur d'autres rapides. Ils ont failli perdre du matériel. Enfin, ça a été beaucoup plus mouvementé que ce que je n'ai connu. Alors je repars pour terminer, parce qu'on ne peut pas laisser une équipe comme ça toute seule, c'est pas possible. Le 3 août 1985, Philippe de Dieuleveux retrouve ses compagnons et Africa Raft, qui ne compte désormais plus que 9 aventuriers. Oui, car certains sont restés en France. L'équipée s'élance pour la dernière partie du voyage, la plus dangereuse. Avant de partir, le groupe loue un avion pour repérer les 150 km du fleuve à traverser jusqu'à l'embouchure de l'océan Atlantique. Un spectacle impressionnant. À certains endroits, les rapides forment des vagues de presque 10 mètres. Rendez-vous compte, comme en pleine mer. Et les courants sont extrêmement forts. Le 5 août, les 9 hommes arrivent au niveau du barrage Dinga, l'un des endroits les plus risqués. Ils accostent sur l'île des hippopotames où ils bivouaquent. Comme tous les soirs, depuis le début de l'aventure, on fait un feu, on dîne, et à 20h, on branche la radio pour donner des nouvelles aux familles. Ce soir, une discussion s'engage. Jusque-là, l'expédition s'est bien passée malgré quelques grosses frayeurs. Or, ce que l'équipe s'apprête à affronter demain paraît encore plus dangereux. La question est donc posée, doit-on continuer? On argumente, on discute, puis on conclut que la nuit porte conseil, donc on prend pas de décision. Le lendemain, 2 hommes annoncent qu'ils ne poursuivent pas, eux. François Laurenceau, le meilleur ami de Philippe de Dieuleveux, et Jean-Louis Amblard, un autre ami, entrepreneur, qui s'était greffé à l'aventure en milieu de parcours. Les autres choisissent de poursuivre. Le 6 août, à 8h15, André Hérault, Richard Janel, Guy Collette et Nelson Baston sur le Godelive, Angelo Angelini, Lucien Bloxman et Philippe de Dieuleveux sur le Françoise s'élancent dans les rapides d'Inga. Mais en ce 6 août, il n'y aura ni bivouac, ni feu de camp, ni dîner, et sur les ondes à Paris, il n'y aura que le silence pour réponse. Un long silence de 48 heures, le temps qu'il faut pour que l'information arrive en une des télés et des radios françaises. Philippe de Dieuleveux a disparu. Depuis plus de 48 heures, on est sans nouvelles de lui et des 6 personnes qui participaient avec lui à une tentative de descente du Zaïre. Le maréchal Mobutu a lancé dès hier soir des soldats et des gendarmes à leur recherche. Il se trouve, et on l'apprend à l'instant, qu'un hélicoptère de l'armée zaïroise a repéré un des 2 canaux de l'expédition. Il était vide et il était échoué sur une petite grève de la rive gauche du fleuve. Que s'est-il passé pendant ces 48 heures qui séparent le départ de l'équipage et l'arrivée des Telex dans les rédactions qui annoncent la disparition du célèbre animateur? Les premiers à s'inquiéter, ce sont évidemment François Laurenceau et Jean-Louis Amblard, restés sur l'île des Hippopotames. Dès le départ des 2 bateaux, ils les ont vus s'enfoncer au loin, derrière les vagues immenses. Après plusieurs heures d'attente, grâce à un pêcheur, les 2 hommes parviennent à regagner la rive et atteindre le barrage d'Inga. Et là, ils se retrouvent face à des militaires. François Laurenceau et Jean-Louis Amblard sont interrogés tout l'après-midi. À la fin de la journée, ils n'ont toujours pas de nouvelles de leurs compagnons et l'inquiétude grandit. Le lendemain, le 7 août, un ingénieur zaïrois, Tunasia Tanga, explique avoir vu, la veille, en fin de matinée, 3 hommes blancs s'activer au bord du fleuve et décharger des sacs d'un raft. L'un de ces hommes portait un t-shirt noir. La couleur du vêtement, la description du matériel et le nombre de personnes laissent penser qu'il pourrait s'agir du François sur lequel était monté Philippe de Dieuleveux. D'autant que 2 témoins américains, qui travaillent eux aussi sur le barrage d'Inga, affirment avoir vu 3 hommes blancs, effectivement, accostés au même endroit. 2 jours plus tard, le 9 août, alertés par le consulat français, les autorités zaïroises déclenchent les opérations de recherche. Elles envoient une brigade de parachutistes accompagnée de 5 officiers français. François Laurenceau et Jean-Louis Amblard se joignent à l'opération. Ils survolent les rives du fleuve Zaïre ainsi que les villages alentours. Dans l'un d'eux, situé à 5 km du fleuve, ils retrouvent le matériel et les bagages du bateau Godelive que les villageois ont pris sur l'épave et ramené au village. Dans la foulée, on retrouve le raft Françoise, en parfait état, lui, à 1500 mètres en aval de l'endroit où l'ingénieur zaïrois dit avoir vu les 3 hommes accostés. Et sur ce lieu précis, on retrouve une mallette de matériel vidéo appartenant à Philippe de Dieuleveux. Vu la position du matériel, il est impossible que le fleuve ait pu rejeter si loin. Le lendemain, le 10 août, on découvre l'épave du Godelive échouée, renversée et complètement vidée de son matériel par les villageois. Elle est située plus haut que l'endroit où a été retrouvée Françoise. Des jours avancent, on est toujours sans nouvelles des disparus. Le mystère reste entier, comme en témoigne Jeanne de Dieuleveux, la mère du journaliste. Ah, il est costaud, il est solide, il peut s'en sortir, mais tout ça, ça dépend comment ça s'est passé dans le Zaïre. S'ils ont été blackboulés par les rapides, ben ils sont fichus. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois que contre des rapides, on ne peut rien faire. Bon, je trouve que, hélas, si vraiment... Le bateau a été retourné, je vois difficilement tous ces pauvres garçons gagner la rive. Mais évidemment, nous sommes très angoissés. Bon, s'il a gagné la berge, comme le disent certains journaux et certaines radios, bon, on a un espoir. Mais le temps passe, ça va faire 8 jours demain. On n'a pas de nouvelles. Alors, que dire, que penser? Nous espérons qu'il est sur la terre ferme et qu'il continue dans la jungle, peut-être pour arriver jusqu'à l'embouchure et trouver, là, je ne sais pas trop ce qu'il y a, la ville, Banana, je crois. Mais ce qui m'étonne, c'est que des villageois, auraient pris dans les canaux, auraient pris des affaires, puisqu'on a retrouvé des choses dans les villages. Mais ils n'ont pas vu d'homme. Les différents éléments retrouvés et la violence du fleuve à cet endroit tendent à confirmer la thèse de la noyade. Il y a pourtant le témoignage de cet ingénieur zaïrois et de ces deux Américains concernant le positionnement et l'état des bateaux, notamment celui du Françoise. Voilà donc l'autre thèse envisagée. Le Françoise, avec Dieuleveux à son bord, aurait vu disparaître le Godelieb sous les flots et aurait réussi à passer les rapides. Les coéquipiers du Françoise auraient décidé d'accoster un peu plus bas et se seraient enfoncés à pied dans la jungle pour remonter le fleuve depuis la rive à la recherche de leurs compagnons. Oui, mais voilà. Les témoins reviennent sur leur déclaration. Pour l'ingénieur Zéhérois, ce ne serait plus le 6, mais le 7 août qu'il aurait vu les trois hommes. Puis, finalement, il ne les aurait pas vus du tout. Les deux Américains, eux, ont vu l'embarcation renversée par les vagues et les trois hommes disparaître dans l'eau. Les curieux atermoiements de ces témoins intriguent. Mais le 19 août, une information relègue ces interrogations en arrière-plan. À l'instant, nous venons de recevoir de Kinshasa des nouvelles concernant la disparition de Philippe de Dieuleveux et de ses six compagnons. Selon un pêcheur, un corps aurait été trouvé dans le fleuve Zaïre et nous avons immédiatement appelé à Kinshasa le consul de l'ambassade de France, M. Dupin. Véronique Parette a essayé d'avoir quelques précisions. C'est un pêcheur de la ville de Banza Seke, hein. C'est certainement un petit village, hein, qui a vu hier, 15 août, aux alentours de 18h, un cadavre qui flottait sur le fleuve, et ce cadavre portait un casque blanc. Alors, après vérification, les membres de l'équipage portaient tous des casques blancs. La légende du Zaïre, qui dit que le fleuve ne rend jamais les corps de ses victimes, de tous ceux qui ont tenté de le braver, serait donc fausse. 11 jours après la disparition des 7 hommes, le cadavre retrouvé à 100 km en aval du barrage d'Inga est identifié. Il s'agit de celui de Guy Collette, l'un des 7 disparus qui était sur le bateau Godelieb. L'autopsie est réalisée au Zaïre, et grâce à une chaîne en or portée autour du cou, on parvient à donner une identité au cadavre et une cause à son décès, la noyade. Cette découverte appuie donc la thèse du naufrage. Guy Collette est rapatrié en Belgique et enterré sans autopsie complémentaire. Pour autant, le bateau sur lequel était Philippe de Dieuleveux a été retrouvé en bon état, lui. Il reste donc peut-être un espoir. Alors, pour poursuivre et intensifier les recherches, le 22 août, le gouvernement français envoie une délégation de militaires français à Kinshasa. L'un des frères de Philippe, Jean de Dieuleveux, lui aussi militaire, les accompagne. Sur sa demande, on effectue un test. Le bateau Françoise, retrouvé intact, est remonté jusqu'à la zone de départ, à l'île des Hippopotames, et il est lancé dans les rapides. Le raft est emporté et disloqué par la violence du fleuve. L'expérience confirme la dangerosité du passage. Mais alors, comment expliquer qu'il ait été retrouvé en bon état? Une équipe d'Antenne 2 se rend sur place pour enquêter, et ce qu'elle découvre ouvre la voie à une nouvelle hypothèse. Voyons cette nouvelle piste dans l'enquête sur la disparition de Philippe de Dieuleveux. Selon les journalistes d'Antenne 2 qui sont sur place, il se pourrait que les membres de l'expédition aient été victimes d'une bavure. Dans cette région, les Aérois vivent dans la psychose d'une invasion de Kadhafi et ils ont l'ordre de tirer à vue sur toute personne suspecte. Il s'avère même que personne près du fleuve n'ait été informé de la descente des rapides par le journaliste d'Antenne 2. Écoutez le témoignage de l'un des commissaires Aérois, un témoignage que la chaîne a diffusé hier soir dans le journal de 20h. Les messages étaient révélés d'eux. L'autorité locale n'était pas informée. C'est seulement les 6, quand on avait déjà eu l'accident, que nous avions été informés. Et quand on dit que c'est l'armée zaïroise qui leur a tiré dessus parce que c'était une zone sensible avec le barrage? Non, ça c'est très faux. Ce n'est pas vrai. Vous voyez vous-même, il n'y a pas de zone interdite. Zone interdite, alors n'est pas la nature peut-être, qu'on ne peut pas naviguer. Le 20 août 1985, deux semaines après la disparition de Philippe de Dieuleveux et de ses 6 compagnons d'aventure, les questions restent donc entières. Si ce passage du fleuve, réputé infranchissable, et la découverte du cadavre de Guy Collette vont dans le sens d'un naufrage, l'attitude trouble des témoins, en revanche, les incohérences de certaines découvertes, et surtout, le contexte politique du Zaïre de Mobutu vont rapidement accroître et entretenir les soupçons autour de cette étrange tragédie. Tunga, Tunga, ma lambe d'or, Tunga, ma Non, on a vraiment la certitude que les chances de retrouver Philippe de Dieuleveux et les membres de son équipe est quasi nulle. La coopération avec les autorités zaïroises et l'armée zaïroise a été permanente et elles ont permis justement de rechercher toutes les possibilités d'itinéraire de Philippe de Dieuleveux et de son équipe et toutes les hypothèses de disparition, de direction qui auraient pu être prises par les deux équipages. L'hypothèse de l'accident est la plus vraisemblable. Oh oui, c'est la quasi-certitude. Le 4 septembre 1985, un mois après la disparition de Philippe de Dieuleveux et de ses 6 camarades d'Africa Raft, la conférence de presse du colonel Kersiz, en charge des opérations pour France 2 au Zaïre et que vous venez d'entendre, est sans appel. Une manière de dire que les recherches sont terminées, mais aussi de mettre fin aux rumeurs et hypothèses qui fleurissent depuis un mois. Rappelons que ces soupçons sont nourris par le contexte du pays et le lieu même où ont disparu les 7 hommes. Le Zaïre, ex-congo belge, est l'une des grandes puissances de l'Afrique avec ses immenses ressources naturelles de cuivre, or et charbon notamment. À sa tête, depuis 20 ans, le maréchal Mobutu a installé un régime autoritaire autour d'un culte de la personnalité et il gouverne par la peur et la répression de toute opposition. Tous les ingrédients d'une dictature sont réunis. À l'échelle internationale, contexte de guerre froide et position stratégique de son pays oblige, Mobutu joue de ses relations privilégiées avec les États-Unis, la Belgique et la France, notamment, autant que de ses accointances avec certains pays communistes comme la Roumanie de Ceausescu. Au moment de la disparition de Philippe de Dieuleveux, le 6 août 1985, le contexte régional est donc particulièrement tendu. Le pays voisin, l'Angola, dont la frontière est située à quelques centaines de kilomètres au sud du barrage, est en pleine guerre civile. Le Zaïre aide discrètement l'UNITA contre le gouvernement marxiste de Luanda, soutenu, lui, par les Cubains. Quelques semaines avant l'expédition de Dieuleveux, un raid est lancé contre un complexe pétrolier de la région du Cabinda, situé non loin du barrage d'Inga en Angola, auquel les services aériens ont participé. Par crainte de représailles de l'armée angolaise, le site du barrage est sous haute tension quelques jours avant le passage de l'expédition de Philippe de Dieuleveux. De quoi renforcer l'hypothèse d'une bavure des autorités aéroises ou d'une intervention de l'armée angolaise. On évoque aussi un discours violemment anti-aérois du colonel Kadhafi quelques jours avant la disparition des 7 hommes au Burundi. La Libye aurait-elle apporté son aide au cours d'une opération à l'encontre d'Africa Raft? Et alors que l'armée française annonce la fin des opérations, un événement survient. 2 jours après l'annonce du colonel Kersiz, le 6 septembre 1985, un second corps est découvert par un pêcheur zaïrois près de Matadi, à une centaine de kilomètres au sud du barrage Inga. Le cadavre est dans un état de décomposition avancée. Il n'a ni tête, ni main, ni sexe, et mesure environ 1,75 m. 4 jours après la macabre découverte, une autopsie est effectuée dans un hôpital de Kinshasa. Le rapport indique qu'au vu des caractéristiques morphologiques, le corps correspond à celui de Philippe de Dieuleveux. Cause de la mort, noyade. Immédiatement, le vice-consul Michel Dupin avertit la famille de la découverte du corps de leurs proches. Le cadavre est rapatrié en France le 22 septembre. La famille de Dieuleveux décide de réaliser une contre-autopsie. 3 semaines plus tard, le 18 octobre, les 2 médecins français rendent une conclusion sans appel. Il ne peut en aucun cas s'agir de Philippe de Dieuleveux. On a examiné certaines de ses radios et on s'est aperçu qu'il avait été opéré de l'appendicite. Or, le corps retrouvé avait toujours son appendice. Comment expliquer le résultat de l'autopsie réalisée au Zaïre? Comment comprendre la précipitation des autorités françaises à confirmer ces résultats et à avertir la famille? Face à ces questions, Yves de Dieuleveux, le frère du journaliste, ne cache pas ses doutes. Alors, Yves de Dieuleveux, vous avez le sentiment qu'on vous cache quelque chose ? Justement, monsieur, c'est que nous voudrions savoir la vérité. Pourquoi avoir si hâtivement collé un nom à cette dépouille ? Vous pensez que si on est allé vite, c'est qu'on pouvait peut-être avoir à maquiller quelque chose ? Nous nous interrogeons, monsieur. Nous cherchons à avancer vers la vérité. Vous pensez-vous que Philippe peut être encore vivant ? C'est notre souhait, bien sûr. C'est le souhait de tout le monde, bien évidemment. Mais nous n'avons aucun élément pour nous appuyer sur cette thèse. Mais alors, quand je dis vous pensez qu'on vous cache peut-être quelque chose, est-ce qu'il n'y aurait pas eu ce qu'on peut appeler, par exemple, une bavure ? dirais peut-être, pourquoi pas, de certaines autorités militaires locales, des choses comme ça. Rien n'est à exclure, mais nous ne pouvons pas avancer une telle hypothèse. Il faut absolument qu'une enquête précise puisse être faite sur place. Mais alors, supposons que Philippe soit vivant, où est-il ? Je veux dire, où est-il ? S'il était vivant, il se serait manifesté. Alors, est-ce qu'on l'empêche de parler ? Est-il prisonnier ? Est-il prisonnier ? S'il est prisonnier, de qui ? Toute la question est là, monsieur Philippe Calogny. Si de Dieu le veut, je n'ai pas la peine de vous dire à quel point nous souhaitons tous non seulement que Philippe soit vivant, je vais vous dire pourquoi, sur un plan personnel, c'est que nous avons une émission rentrée entre nous, il devait venir au mois de juin, il n'a pas pu, alors moi, pour ma part, je l'attends. Courage. Le mystère de la découverte de ce son au cadavre relance l'énigme autour de la disparition de cet aventurier et des soupçons qui l'entourent. Fin novembre, l'affaire prend même une tournure politique. Le sénateur Louis de Catuelan interroge directement le Premier ministre Laurent Fabius. On soulève la question, est-ce pour raison d'État que la France protège son allié Mobutu et une éventuelle bavure de son armée ? En France, le contexte est propice à ce genre d'interrogation. Car quelques mois plus tôt, le scandale du Rainbow Warrior a éclaté. Dans son édition du 30 novembre, le Parisien Libéré publie le témoignage d'un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense qui affirme avoir reçu, en date du 7 septembre, ce message en lien avec le second cadavre retrouvé. « Avons retrouvé un corps sans tête et sans bras, traces de torture et de mutilations volontaires évidentes. Avons de bonnes raisons de penser qu'il s'agit de Philippe de Dieuleveux. » Dès 13h, le jour même, le ministère de la Défense dément l'information. Malgré tout, on repense aux témoignages, certes aléatoires, des différents témoins, ceux de l'ingénieur Zaïrois et des deux Américains. Oui, leur version a changé, oui, certains éléments diffèrent entre eux, mais comment ont-ils pu être tous d'accord sur le nombre de personnes ? Trois, comme celui des disparus des Françoises, le bateau de Dieuleveux. Comment expliquer qu'on ait retrouvé du matériel appartenant aux journalistes à l'endroit même où ces témoins ont indiqué avoir vu trois hommes accostés ? Enfin, l'information provenant du passage de l'expédition Africa Raft n'aurait pas été reçue à temps par les autorités sur place. Pour de nombreux observateurs, la thèse de la bavure de l'armée zaïroise qu'on voudrait cacher dans un contexte et sur un lieu sensible prend de l'épaisseur. Selon eux, les trois hommes ont bien accosté à l'endroit indiqué par les témoins et ont été tués par des militaires qui les soupçonnaient d'être des espions ou un commando s'attaquant au barrage. Inévitablement, tous les regards se tournent vers Mobutu qui, bien sûr, dénonce ces allégations. C'est regrettable ce qui est arrivé. Parce que j'avais deux amis là-dedans. De Dieu le veut et Janelle de Paris Match. Malheureusement, lorsque l'expédition est arrivée à Kinshasa, je n'étais pas là. Et puis, 48 heures plus tard, j'ai appris ce qui est arrivé. J'ai regagné Kinshasa dardard et avec les faibles moyens dont dispose notre force aérienne. Et puis, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Mais j'étais choqué, je ne vous le cache pas, monter en épingle des choses qui ne tiennent pas debout, ça choque, ça dérange. Dire du Zaïrois ou bien du soldat Zaïrois qu'on éduque politiquement, qui sait ce que c'est qu'accueillir les hôtes du président, les hôtes de notre gouvernement et tout, mais dire de lui qu'il a commis des bavures, ce n'est pas sérieux. Après avoir vu les épouses de Philippe de Dieuleveux et de Richard Janel à Paris, le président Mobutu décide de les recevoir à Kinshasa. Accompagnés de leur avocat, maître Jean Lafont, les deux femmes se rendent donc sur place du 7 au 11 janvier 1986, près de 6 mois après la disparition de leur mari. Ils se rendent compte au barrage d'Inga, constatent de leurs propres yeux la violence et le danger couru par l'expédition. À son retour, l'avocat exprime sa conviction. La première hypothèse qu'il faut reconnaître, c'est la noyade, avec le fracas et le tumulte des eaux qu'il faut voir pour réaliser. Quelles autres hypothèses ? La deuxième hypothèse, je ne pense pas du tout à la bavure zaïroise. Je crois qu'au contraire, l'armée zaïroise a fait ce qu'elle a pu, ainsi que l'armée française, mais peut-être des gens qui avaient ou des intérêts de déstabilisation ou des intérêts divers. Et bon, c'est qui je préfère ne pas me prononcer. Alors, est-ce que le Philippe de Dieuleveux aujourd'hui peut encore être vivant ? C'est mon espoir le plus secret. Malgré l'espoir secret de l'avocat et des proches des victimes, près de 6 mois après leur disparition, les chances de revoir Philippe de Dieuleveux et ses amis vivants s'amenuisent. Et puis, au fil des semaines, les médias n'évoquent plus cette énigme. Alors, le temps de l'enquête et des recherches laisse place à celui du deuil, sans sépulture ni certitude. Comme une ombre, un doute planera toujours sur cette journée du 6 août 1985 et sur ce qui s'est passé sur les rives du fleuve Zaïre. L'affaire Dieuleveux regagne les archives de ces histoires qui n'ont toujours pas révélé la vérité et qui parfois ne la révèlent jamais. Ice age heat wave can't complain. If the world's at large, why should I remain? Walked away to another plant. Gonna find another place, maybe one I can stand. I move on to another day, to a whole new town with a whole new way. Went to the porch to have a thought. Got to the door and again I couldn't stop. You don't know where and you don't know when, but you've still got your words and you've got your friends. Walking on to another day, work a little harder, work another way. Well, baby, I ain't got no plan. I'll float on, maybe, would you understand? Gonna float on, maybe, would you understand? Well, I'll float on, maybe, would you understand? Shorter and the nights get cold. I like the autumn, but this place is getting old. I pack my belongings and I head for the coast. It might not be a lot, but I feel like I'm making the most. The days get longer and the nights smell green. I guess it's not surprising, but it's spring and I should leave. I like songs about drifters, books about the same. They both seem to make me feel a little less insane. Walked on off to another spot. I still haven't gotten anywhere that I want. Did I want love? Did I need to know? Why does it always feel like I'm caught in an undertow? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mystérieuse disparition de Philippe de Dieuleveux. Nous allons rejoindre notre invitée Colette Brackmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les studios de la RTBF, radio-télé belge francophone, que nous remercions pour cet accueil. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Afrique centrale et auteur d'un ouvrage de référence sur le sujet. Il s'appelle Le dinosaure, virgule, le Zaïre de Mobutu. Et vous publiez aujourd'hui un nouveau livre intitulé celui-là Congo, virgule encore, Kinshasa aller-retour. C'est aux éditions Nevikata. Alors, ce doute, ce mystère autour de l'affaire de Dieuleveux, vous y êtes vous-même intéressé lors de vos travaux sur le Zaïre de Mobutu. Mais d'abord, le Zaïre, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce pays et que représente-t-il en Afrique, que représentait-il à cette époque? Mais moi, je me suis intéressée personnellement. C'est une ancienne colonie belge. Les liens sont multiples entre le Zaïre et la Belgique. Sur le plan politique, les altercations, les brouilles entre le président Mobutu et la Belgique faisaient presque partie de la politique intérieure de la Belgique. Et aussi, surtout, c'est un pays fascinant. Et à l'époque, c'était un pays qui était un des enjeux majeurs de la guerre froide en Afrique, où se jouait le conflit Est-Ouest, parce qu'il était situé entre, avec l'Angola à côté, où se trouvaient les soldats cubains, régime communiste, et puis lui, Mobutu, était l'allié fidèle des Américains. Donc se jouaient là aussi des parties d'échecs au niveau de la guerre froide. Alors, dans votre ouvrage, vous consacrez tout un chapitre à l'affaire Philippe de Dieuleveux. Nous sommes alors en 1992, il est sorti cette année-là, votre livre. Donc 7 ans après les faits qui nous intéressent. Alors pour vous, l'équipage est mort pour raison d'État. Alors vous commencez tout de même par dire, et vous avez raison d'ailleurs, la nature, je vous cite, hein, du côté d'Inga est tellement démesurée. L'entreprise de Philippe de Dieuleveux si audacieuse que la thèse de l'accident s'impose à tous ceux qui connaissent les lieux bien. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille vers une autre piste, vous? Et quelle piste? Mais d'abord, le spectacle des chutes d'Inga de ce fleuve, il est absolument impossible de le descendre avec un bateau. Donc c'est une entreprise suicidaire. Et par la suite, moi je suis allée souvent dans la région à cette époque et tout le monde disait non, c'est impossible, ils n'ont pas embarqué, ils n'ont pas descendu ces rapides, sinon évidemment ils seraient morts, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont été arrêtés au sol. Et déjà dans ces années-là, donc 85 jusqu'à 90, il y avait des témoignages disant non, ils ont été interceptés par une patrouille de l'armée congolaise, ils ont été faits prisonniers et puis ils ont disparu, mais le but de leur expédition, et c'est là que ça m'avait mis la puce à l'oreille, le but n'était pas de réaliser un exploit purement sportif de descendre le fleuve, mais d'aller à pied faire autre chose dans la région. Et ce que les gens disaient, c'est que l'équipement dont ils s'étaient dotés n'était pas uniquement un équipement de raft, de navigation, ils avaient aussi des carabines de marche et des équipements de camping, comme s'ils pensaient gagner un lieu par voie de terre. Or, c'était une région extrêmement sensible à l'époque, voisine, on l'a dit, de l'Angola, de l'enclave de Cabinda, où il y avait d'énormes enjeux pétroliers, des compétitions sur le plan des pétroles. L'enclave de Cabinda, à l'époque, était un territoire angolais, curieusement angolais, communiste, avec l'aide de soldats cubains, voilà, mais en même temps, les installations de la société américaine Gulf étaient gardées paradoxalement par des soldats cubains. Et la société française Total avait des visées, elle aussi, sur cette éponge de pétrole qu'était l'enclave de Cabinda. Et donc, on pouvait se demander si Philippe de Dieuleveux, qui n'était pas uniquement un sportif, un animateur, un homme extraordinaire, mais qui avait peut-être aussi des envies d'être un reporter, un chasseur de scoop, n'avait pas envie d'aller voir d'un peu plus près ce qui se tramait réellement dans cette région du Bas-Congo et en particulier près de l'enclave de Cabinda, une curiosité tout à fait légitime de journaliste, de reporter, mais qui lui aura peut-être coûté très cher. Alors, effectivement, vous vous dites qu'il n'avait pas que des équipements sportifs, il avait des équipements de survie à terre, il y avait des carabines aussi, alors peut-être pour se protéger d'animaux, je ne sais pas, mais enfin, le fait qu'il parte avec des carabines, ça met la puce à l'oreille, c'est un élément important ou pas? Oui, c'était étrange. Il n'était pas, donc, manifestement, leur équipement n'était pas uniquement celui de navigateur sur le fleuve Congo. Donc, il y avait un autre objectif. Et alors, une chose dont je suis certaine, parce que là, à l'époque, j'avais recoupé, vérifié, Philippe de Dieuleveux avait demandé, via le photographe Janel, qui est un ami du président Mobutu, une audience au président Mobutu. Il avait expliqué son expédition, ce qu'il avait dit, je n'en sais rien. Mais il est certain que le président lui a dit... Si vous y allez, allez-y. Bon, voilà. Mais je ne peux pas garantir votre sécurité. Une phrase pareille dans la bouche du président Mobutu, c'est extrêmement inquiétant. Il ne peut pas garantir la sécurité, lui qui est tout puissant dans son pays. C'est au minimum un avertissement. Alors, durant 3 jours avant l'arrivée de la 31e brigade de recherche, une équipe de la police zaïroise se serait employée à masquer toutes les traces et à maquiller les lieux du crime. Donc, 2 questions. Est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Oui, on a déplacé notamment les objets qu'on allait retrouver. On a déplacé les carnets de notes, les paquets de cigarettes, bien au-delà de l'endroit où ils étaient censés avoir disparu, comme pour maquiller le lieu de la disparition. Et alors, à l'époque, moi, j'étais en contact avec un ancien officier, Okito Bene-Bene, qui, bien après, publiera un livre à succès, J'ai vu mourir Philippe de Dieuleveux. Mais Okito Bene-Bene et d'autres membres de la police disaient que ils auraient été avertis que une expédition menée par des Blancs, des Européens, se dirigeait sur le, vers le fleuve et menait une... C'était, que ça aurait été des Cubains donc venus d'Angola, qui se dirigeaient à l'intérieur, de, à l'intérieur du pays, mmh. et que donc il fallait les neutraliser. Et que donc ces agents locaux, militaires zaïrois locaux, auraient intercepté cette équipe très visible, très reconnaissable d'Occidentaux, d'Européens, les auraient pris et les auraient fait prisonniers et probablement tués. Est-ce qu'il s'agit d'une bavure, d'une méprise dramatique? On peut se poser la question. Mmh. Le président n'avait pas autorisé, c'est le moins qu'on puisse dire, l'expédition. Et moi, ces interlocuteurs zaïrois de l'époque, quand je leur ai dit « Mais qui vous a donné cette information suivant laquelle des Européens parlant français de peau blanche se baladaient, se promenaient dans le Bas-Congo ?» Ils m'ont répondu, et là c'est la surprise, ce sont les services secrets français. Ce sont les Français qui nous ont dit « Méfiez-vous, des Cubains vont... arrivé dans le Bas-Congo. Alors, et sur base de cela, ils se seraient emparés de l'équipe et les auraient fait prisonniers. Alors la question, pourquoi diable des services français auraient-ils dénoncé une équipe de ressortissants français tellement connus, sympathiques que Philippe de Dieu le veut. Alors moi, ma thèse, c'est que peut-être il allait se mêler de ce qu'il ne regardait pas. Il allait découvrir des choses qu'on n'avait pas envie qu'il découvre. Voilà. Il allait faire son travail de journaliste. Hein, c'est la définition du travail de reporter. Puisque de reporter vous... qui dérange. Puisque vous parlez d'Okito Bene-Bene, eh bien on va l'écouter. Il est en exil à Bruxelles depuis que Mobutu l'a accusé de complot quelques années auparavant. Alors au moment de la disparition des équipages de Philippe de Dieu le veut, il était membre de la police politique de Mobutu en poste à Boma, situé à quelques kilomètres au sud du barrage, et voilà ce qu'il dit. Nous étions convaincus que c'était des mercenaires. Bon, une fois arrivés sur le lieu, c'est là où nous avons découvert que c'était une expédition qui était autorisée par Kinshasa. Bien. Mais l'autorisation n'a pas été répercutée jusque chez nous à Boma. J'ai assisté à leur capture. Oui. Il y a M. Hérold et Janel qui sont morts pendant leur capture. Et M. Blochmans est mort en prison, de suite de ses blessures, puisqu'il n'a pas été soigné. Et les quatre autres ont été purement et simplement exécutés. Bon, malgré les précisions de son témoignage, on ne retrouve pas les corps à l'endroit indiqué. Puis, certains éléments fragilisent hein, la version d'Okito Bene-Bene. D'abord, pourquoi a-t-il parlé ? Est-ce que la raison, c'est parce que quelques mois plus tôt, les discussions avec les représentants de Mobutu pour son retour au Zaïre avaient échoué, qu'il souhaitait exercer une pression via ses révélations et ce livre ? C'est possible, parce qu'Okito était, je ne pense pas qu'il était un témoin direct, il était chef de poste à Boma, ce qui est tout de même assez loin des lieux des faits. Je pense qu'il était chef de poste, ce sont des adjoints à lui qui ont découvert l'équipe et qui ont participé au maquillage de la scène, à la dissimulation des preuves, et lui, évidemment, il en a été informé, il en a entendu parler, donc il savait très bien ce qui s'est passé, mais je ne crois pas que ce soit lui physiquement qui ait participé à cette opération. Alors quand il dit que l'expédition était autorisée depuis Kinshasa, pour moi ça me paraît assez typique de la ruse et de l'intelligence du président Mobutu, qui dit ok, vous avez l'autorisation mais je ne garantis pas votre sécurité. C'est une réponse double. Je vous donne l'autorisation, mais après, si cette autorisation n'est pas transmise sur le terrain aux équipes de police des services zaïrois, ben, elle ne vaut rien. Et donc, sur place, en tout cas, là, Okito Bene-Bene est formel, sur place, il n'avait reçu aucun ordre de protection ou de laisser passer de cette équipe. Et donc, ils ont fait leur travail, ils les ont interceptés, et puis voilà. Ah, vous avez évoqué les services français tout à l'heure. Au moment de la sortie de l'ouvrage de Okito Bene-Bene, Yves de Dieu le veut révèle que son frère avait fait des stages pour le service action des services secrets français. Puis un autre témoin, Christian Poutou, qu'on connaît bien, explique qu'il a, membre de la DGSE à l'époque, explique qu'il a déjeuné avec Philippe de Dieu le veut au moment où celui-ci était de retour à Paris pendant l'expédition, parce que vous savez qu'il est revenu à Paris. Oui. Voilà, il a fait un aller-retour, on l'a dit. Et que Dieu le veut cherchait à se procurer du matériel, des radios et des armes légères. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette information-là, Mais c'est exact, parce que moi-même, à l'époque, j'avais rencontré à Paris le commandant Proutot, qui me disait avoir rencontré Philippe de Dieuleveux, qu'il connaissait très bien, et il disait il n'avait pas, son ambition n'était pas uniquement de réaliser un exploit sportif, il cherchait du matériel, des informations sur la région, et manifestement, il avait autre chose en tête. Alors, plusieurs personnes à l'époque disaient Philippe de Dieuleveux, lors de son bref séjour à Paris, a peut-être parlé trop vite ou aux mauvaises personnes en s'ouvrant de ses projets réels, de son vrai désir, disons, d'aller voir un peu ce qui se passait. Il en a parlé aux mauvaises personnes qui, après, ont peut-être prévenu le président Mobutu que Philippe de Dieuleveux allait mettre son nez dans des histoires qui n'étaient pas souhaitables qu'elles soient connues. Et donc, la duplicité du président Mobutu, c'était « je vous donne l'autorisation, mais je ne réponds pas de votre sécurité, l'ordre de protection n'est pas transmis », et puis une équipe l'intercepte, et puis voilà, l'intercepte et le considère comme une équipe de Cubains en expédition, donc des ennemis qui se sont infiltrés à l'intérieur du Zaïre, et qu'il ne s'agit pas donc pas seulement de les intercepter, mais de les neutraliser, c'est ce qui se passe. Et est-ce qui effectivement accrédite votre thèse, selon laquelle Philippe de Dieuleveux veut réagir en tant que journaliste et mettre son nez là où il ne faut pas qu'il le mette, ou on ne veut pas qu'il le mette, c'est qu'à un moment il le dit, hein, qu'il en a marre de faire l'animateur d'un jeu télévisé, quoi, qu'il veut vraiment être un journaliste. Ça peut accréditer cette thèse. Oui, voilà. Alors en plus, on dit oui, mais il a fait des stages au service Action. Ça ne veut rien dire. On sait aussi quand même, ça c'est la base, c'est que quelqu'un qui a été un agent, qui a été en contact avec des services comme celui-là, français ou autre, une fois qu'ils sont considérés comme plus fiables, voulant faire un autre métier ou voulant devenir journaliste en révélant ce qu'ils savent, on n'a aucune pitié pour ces gens-là, parce qu'ils ont fait partie de ils ont été des vôtres. Ils ne le sont plus et on sait ce qui se passe. Ils passent du monde du silence à celui de la révélation, de l'information. Ce sont de sérieux risques, oui. On va écouter une dernière archive ensemble, c'est Yves de Dieuleveux qui parle, donc le frère de Philippe. Nous sommes en 2008 et il évoque la réaction des autorités françaises au sujet de la disparition de son frère. C'était pour vous dire de ne vous faire aucune illusion sur le sort de votre frère et de ses compagnons. Ils ont été bouffés par les crocodiles, le fleuve en est infesté. C'est ce que me dit Roland Dumas. Je le coupe brutalement pour lui dire, il se trouve, monsieur le ministre, que j'ai vécu 3 ans au Congo-Brazzaville, justement en bordure de fleuve, et que je connais parfaitement les mœurs des caïmans, et en aucun cas une vie dans les rapides. Alors là, oh surprise, monsieur, je n'avais plus personne au bout du fil. Il m'a pris pour un petit Tintin au Congo, il s'est dit, je vais lui faire peur avec les crocodiles, hein, mangeurs d'hommes, mais qui ne m'avait pas du tout intimidé. Voilà, Roland Dumas qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Quelles étaient les relations entre le Zaïre de Mobutu et la France? Parce qu'on a l'impression que sur cette histoire, Paris nous dit circuler, quoi, il n'y a rien à voir. Mais c'est exactement ça, et je pense que très précisément, Monsieur Roland Dumas a été chargé, à la fois comme ministre et comme avocat, de s'occuper de cette affaire, de rassurer la famille, et que par la suite, l'épouse de Philippe de Dieuleveux, l'épouse a été invitée par le président Mobutu à se rendre sur place, et le président Mobutu lui a mis à sa disposition l'hélicoptère, ils ont survolé les rapides, et là, évidemment, quelqu'un qui ne connaît pas le pays a survolé ce fleuve énorme, c'est rapide, etc. Et il était très facile de persuader cette personne qu'on ne pouvait pas sortir vivant de cette descente des rapides. Le problème, c'est qu'il n'a jamais descendu les rapides, il essayait d'aller à pied. Mais ça, évidemment, on ne lui a pas dit, mais je crois qu'à l'époque, on a dit qu'elle a été dédommagée par la largesse. Le président Mobutu pouvait être très généreux, très compatissant, et il a un peu obtenu son silence. Je pense que le ministre Roland Dumas aussi, et il y a des considérations, disons, familiales qui ont joué, que comme quoi il valait mieux tourner la page et ne pas chercher jusqu'au bout et en dépit de tout, contre peut-être les intérêts de l'État français, à savoir le dernier carat de la vérité. Giscard et Mobutu étaient très proches. Giscard était proche de beaucoup de chefs d'État africains, ça lui a joué de mauvais tours, notamment avec Bokassa. Enfin, il était proche de Mobutu. Comment s'est passée la transition avec François Mitterrand ? Mais au début, c'était assez froid. Hein. Ouais. Au début, François Mitterrand avait ses idées, c'était assez froid. Et puis je pense qu'après, la raison d'État a prévalu et les relations avec disons, la France éternelle et Mobutu se sont réchauffées parce que ce pays est important, il est un point important dans la guerre froide. Et puis après, nous sommes arrivés à la fin des années 80, à la fin de la guerre froide. Et alors là, début des années 90, le président Mobutu a été soumis à de fortes pressions, notamment de la France, parce que le contexte géopolitique avait changé. On n'avait plus besoin de lui. Il était un dictateur finissant, qui en savait trop, qui devenait gênant pour ses alliés français, américains, belges aussi. Ce sont les Belges qui ont donné le signal du départ, les Français ont suivi, et puis finalement il s'est retrouvé totalement isolé et renversé en 96, et puis par la guerre, et puis il est mort en exil au Maroc. Un an plus tard, en 97. Mais alors, où en est le pouvoir de Mobutu en 1985, au moment des faits? Il mène une politique de zaïrisation, comme ils disent, en fait un ensemble de nationalisation de l'économie qui mène le pays dans la crise économique. C'est un pays fragile en 85. Pas encore tellement. Encore. Il est déjà fragile. Il est fragilisé par cette zaïrisation qui a évidemment appauvri l'économie. C'est une nationalisation à la sauce zaïroise, mais on a confié les entreprises, les plantations, les fermes qui étaient gérées par des Belges, non pas à des Congolais, à des Zaïrois compétents, mais à des amis du régime, à des amis politiques du président, à des membres de sa famille. C'est une véritable gabegie. Et donc tout cela a périclité, mais le pays est riche. À l'époque, la production de cuivre était encore importante. Le pays tournait encore, le président avait encore des moyens considérables. Le déclin, si vous voulez, est venu très vite. Après cela, il y a eu les politiques dictées par les États-Unis, le FMI, l'ajustement structurel, les politiques d'austérité. Et vu la dette qui ne cessait de croître, le Zaïre de Mobutu a été un des premiers élèves de politique que l'on dénonce aujourd'hui, ces fameuses politiques d'austérité, de restriction des crédits, des dépenses de l'État, etc. Tout ça s'est mis en œuvre vers la fin des années 80, où la richesse du président est restée intacte, mais la population s'est considérablement appauvrie à cause de ces politiques d'austérité où on a licencié des enseignants, fermé des écoles, tout ça. Et donc le mécontentement est allé croissant vers les fins des années 80 jusqu'aux manifestations, aux pillages de 91-93, des pillages énormes dans les grandes villes du pays qui ont détruit ce qui restait de l'appareil économique. On a brisé les magasins, casser les dernières industries qui restaient. Et là, c'est un marasme dont ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo essaye de sortir, mais elle n'est pas encore du tout sortie de ce précipice où elle était tombée. La RDC, merci en tout cas Colette Brinkmann pour tous vos éclairages sur ce pays que vous connaissez comme votre poche, je vois. Merci. Merci. Vous étiez à Bruxelles en direct. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la disparition de Philippe de Dieuleveux, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous reviendrons sur la chute de la ville de Mossoul en Irak, le jour où elle est tombée aux mains de Daesh. C'était en 2014.